Merci Daniela. D'abord, je voudrais remercier Angela Longo pour cette gracieuse invitation. C'est la première fois que... Désolé de parler en français, d'où le besoin d'une traduction. C'est la première fois que je viens dans cette région, même si je suis souvent venu en Italie avec grand plaisir. Et c'est avec beaucoup de joie que je suis avec vous ici depuis quelques jours. Alors, le paradoxe du jeu contemplatif chez Plotin et son écho bergsonien. Plotin tient, considère trois et seulement trois de ses propres enseignements philosophiques pour un paradoxe. L'idée qu'une même âme soit en même temps en plusieurs corps, dans le traité 8, la thèse selon laquelle l'être intelligible et l'âme sont à la fois partout et nulle part, dans le traité 22, et enfin l'idée selon laquelle le jeu lui-même, le jeu, serait une forme de contemplation dans le traité 30. Je le cite, « Eh bien, c'est le début du traité, hein, « Eh bien, en plaisantant tout d'abord avant d'entreprendre d'être sérieux, si nous déclarions que tous les êtres aspirent à la contemplation et ont en vue cette fin, les uns de manière véritable, les autres en recevant une imitation et une image de cela, y aurait-il quelqu'un pour supporter le paradoxe, paradoxon, de ce discours? Et il se peut bien que, soit un enfant, soit un homme, qu'il plaisante ou qu'il soit sérieux, celui qui plaisante et celui qui est sérieux le fasse en vue de la contemplation. Le film considère solamente tre dei propri insegnamenti come paradossali. Uno, l'idea che un'anima sia nello stesso tempo in molti corpi, e questo lo dice nel trattato. La tesi secondo la quale l'essere intelligibile dell'anima sono allo stesso tempo ovunque e in nessun luogo. Infine, l'idea secondo la quale il gioco stesso sarebbe una forma di contemplazione. È su questo terzo paradosso che inizia il trattato 30, e ne è il terzo 8, e cito. Ebbene, scherzando, prima di intraprendere di essere seri, se noi dichiarassimo che tutti gli esseri aspirano alla contemplazione e hanno come punto di vista questo scopo, gli uni in modo reale, gli altri ricevendo un'imitazione e un'immagine di ciò, ci sarebbe qualcuno per sopportare il paradosso di questo discorso? E se è possibile che un fanciullo o un uomo che scherza o che è serio, colui che scherza e colui che è serio lo facciano in vista di una contemplazione. Alors, les deux premiers paradoxes sont très proches par l'esprit l'un de l'autre. Il s'agit de faire droit à la possibilité pour une réalité incorporelle d'être à la fois présente partout tout en restant identique à elle-même. Mais le paradoxe du jeu est d'une toute autre catégorie et bien plus surprenant. De manière tout à fait intentionnelle, provocatrice aussi, Plotin abolit ou cherche à abolir la différence de nature entre activité ludique et activité sérieuse, comme il tentera d'abolir la différence entre activité intellectuelle et activité poétique, activité du faire, ou activité pratique. Non seulement le jeu a affaire, comme l'activité sérieuse elle-même, à la contemplation, mais Plotin avoue lui-même s'amuser ou badiner en produisant ce paradoxe. Je le cite, je rappelle que paizontes est le premier mot du traité, en plaisantant. Il primo due paradossi sono in realtà molto vicini l'uno all'altro, nel senso che si tratta di mostrare la possibilità per una stessa realtà incorporea di essere allo stesso tempo presente ovunque, pur rimanendo identica a se stessa. Di tutt'altra natura e di tutt'altra categoria è il paradosso relativo al gioco, che è anche più sorprendente. In maniera del tutto intenzionale e anche provocatrice, Plotino abolisce o cerca di abolire la differenza di natura fra attività ludica e attività seria, come tenterà di abolire d'altronde la differenza tra attività intellettuale da parte e attività poetica, attività del fare, e attività pratica dall'altra. Non soltanto il gioco ha a che fare con l'attività seria stessa, la contemplazione, ma Plotino ammette lui stesso di divertirsi producendo questo paradosso. Ricordo che il paizontes, divertendomi, è il primo termine del trattato. Alors, traditionnellement, quand on veut résumer en une simple formule la thèse centrale du traité 30, il est d'usage de dire que dans ce texte, tout est contemplation. Et de fait, on trouve des énoncés allant en ce sens, puisque Plotin attribue la contemplation pratiquement à toutes les choses, plantes, arbres, terre, nature, âme, intellect, les êtres premiers en général, l'un y compris, point d'interrogation, ça c'est pas sûr, la vie, etc. À l'examen, force est ici de parler d'un tournant majeur opéré par Plotin dans ce traité, voire d'une nouveauté radicale, car jamais auparavant dans son œuvre, comme je l'ai souligné ailleurs, jamais le terme théoria n'avait pris le sens productif, actif, qu'il y acquiert à cet instant précis, mais le terme signifiait partout dans les traités antérieurs, selon son acception parfaitement classique dans la littérature grecque, voir, regarder, contempler par l'esprit, etc. Tradizionalmente, quando si vuole riassumere in una semplice formula la tesi centrale del Trattato 30, è d'uso comune dire che in questo testo tutto è contemplazione. E infatti, di fatto, si ritrovano degli enunciati che vanno in questo senso, poiché Plotino attribuisce la contemplazione praticamente a tutte le cose: piante, alberi, terre, natura, anima, intelletto, gli esseri primi in generale, l'uno compreso, punto interrogativo, la vita, eccetera. Ma guardando più da vicino questo trattato, si è costretti a parlare di un punto maggiore operato da Plotino in questo testo, cioè una novità radicale, perché mai prima nei trattati precedenti, come Narbona ha sottolineato in altri studi, il termine teoria non aveva preso il senso produttivo attivo che acquisisce in questo trattato. E appunto nei trattati anteriori il termine ricorreva con l'accezione perfettamente classica nella letteratura greca di vedere, guardare, contemplare attraverso lo spirito, eccetera. La transformation sémantique complète du terme s'avère donc absolument drastique. Tout se passe comme si Plotin s'était subitement résolu dans le traité 30 par une sorte de raccourci d'allure paradoxale, comme l'écrivait Arnoux en 1911, à traduire par le verbe théorène ou par le substantif théoria un type de production formulé différemment ailleurs. Avec une insistance sans précédent, s'affirme désormais l'idée, je cite, que les êtres naissent d'un principe qui contemple, en tant qu'il contemple et parce qu'il contemple, parce qu'il se contemple lui-même et ne fait rien, parce qu'il reste concentré en soi, Minen. Une règle qui ne semble d'ailleurs connaître absolument aucune exception pour Plotin, si l'on en croit le texte du traité 30, au chapitre 7, qui nous dit d'un côté que, je cite, « les réalités premières s'adonnent à la contemplation » et qui professe d'autre part, au chapitre 8, que « toute chose est un produit accessoire de la contemplation ». La trasformazione semantica completa di questo termine si rivela dunque assolutamente drastica. Tutto avviene come se Plotino si fosse improvvisamente risolto nel Trattato 30 attraverso una specie di scorciatoia di tipo paradossale, come scriveva Arnoux, a tradurre attraverso il verbo teoreica o attraverso il sostantivo teoria un tipo di produzione che formulava in maniera diversa in altri trattati. Con un'insistenza senza precedenti si afferma ormai l'idea che, citazione, gli esseri nascono da un principio che contempla, in quanto esso contempla e perché contempla, poiché egli si contempla, contempla se stesso e non fa niente, poiché permane concentrato in sé. E questa è una regola che sembra, d'altra parte, non conoscere alcuna eccezione, se si crede al testo del Trattato 30, che ci dice che le realtà, cito, le realtà prime, limitano alla contemplazione, e che d'altra parte professa che tutte le cose, traduco tutte le cose sono un prodotto accessorio della contemplazione. Émile Brillet, on le sait, parlait à cet égard, je le cite, d'un des paradoxes les plus violents qu'ait jamais produit la philosophie. En quoi consiste le paradoxe? D'une part, bien sûr, en une opposition à l'ensemble de la tradition antérieure, mais plus spécialement à Aristote, dans la mesure où Aristote avait opéré la mise à distance bien nette entre la théoria par rapport à deux autres types d'activités, la praxis et la poiesis, lesquelles portent spécifiquement sur des choses qui peuvent être autres qu'elles ne sont, c'est-à-dire des choses contingentes, tandis que la pensée contemplative ou théoritique, dit Aristote, laquelle n'est ni pratique ni poétique, prend au contraire pour objet ce qui n'est pas contingent et représente dès lors l'activité la plus haute, puisqu'elle est l'activité de ce qu'il y a de plus haut en nous, c'est-à-dire de l'intellect, une activité qui l'emporte d'ailleurs par son sérieux sur tout autre. En associant étroitement théoria et à poiesis, Plotin se trouve donc à mêler le meilleur avec le pire, la poiesis étant considérée chez Aristote comme la moins bonne des activités, comme étant même inférieure à la praxis. Et il se trouve à mêler, Plotin, le nécessaire avec le contingent. Brillet, come è noto, parlava a proposito di ciò, citazione, di uno dei paradossi più violenti che abbia mai prodotto la filosofia. In cosa consiste questo paradosso? Da una parte consiste e riposa su una opposizione rispetto all'insieme della tradizione anteriore e in particolare rispetto ad Aristotele, nella misura in cui quest'ultimo aveva operato la messa a distanza molto chiara, sistematica addirittura, della teoria in rapporto a altri tipi di attività, la praxis e la poiesis, le quali portano specificatamente su delle cose che possono essere altre rispetto a quello che sono, cioè su delle categorie contingenti, mentre il pensiero contemplativo o teoretico, precisa Aristotele, non è né pratico né poetico, e prende al contrario come oggetto ciò che non è contingente e rappresenta dunque l'attività più alta, poiché questa attività è, citazione, ciò che c'è di più alto in noi, l'intelletto. Quindi un'attività che comporta d'altra parte il suo essere serio rispetto alle altre. Associando strettamente la teoria e la poiesis, Plotino si trova dunque a mescolare insieme il meglio e il peggio, il necessario con il contingente. Je saute un paragraphe. Pour Aristote, on peut s'amuser en vue d'exercer une activité sérieuse. Pour Platon, par exemple, le jeu peut constituer une préparation au sérieux. Par métaphore, Platon pourra même parler dans le Parménide de jouer à un jeu laborieux, pragmato eide paidian paidzen, c'est-à-dire un jeu sérieux. Et il peut aussi évoquer le sérieux comme une sorte de jeu. Par exemple, dans les lois, Platon dit « Nous venons de jouer bellement jusqu'ici notre jeu de vieillard raisonnable. » Le jeu de vieillard raisonnable est certes une sorte de jeu, mais ce n'est pas le jeu tout court, comme le jeu laborieux n'est pas le jeu tout court. Per Aristotele possiamo in effetti vedere, possiamo in effetti divertirci in vista di esercitare un'attività seria. Per Platone, per esempio, il gioco può consistere in una preparazione alle cose serie. Per metafora, Platone potrà addirittura parlare nel Parmenide di questo gioco, di giocare un gioco laborioso, cioè un gioco serio, e può anche evocare il serio come una cosa giocosa. Nelle leggi dice: noi abbiamo giocato bellamente sino adesso il nostro gioco di vecchi ragionevoli. Il gioco di vecchi ragionevoli è certo una sorta di gioco, ma non è il gioco tout court, come il gioco laborioso non è il gioco tout court. Pourtant, Plotin va plus loin que cela en déclarant, je cite, disons qu'il n'y aura aucun danger à jouer avec nos propres idées. Est-ce que donc nous aussi, en plaisantant en ce moment, nous contemplons? Disons qu'ou bien nous et tous ceux qui plaisantent font cela, ou bien plaisantent en tendant du moins à cela, et il se peut bien que, soit un enfant, soit un homme, qu'il plaisante ou qu'il soit sérieux, celui qui plaisante et celui qui est sérieux le fasse en vue de la contemplation. C'est le chapitre 1. Dans ce passage, il semblerait au premier regard que tout puisse être ramené, le plaisant comme le sérieux, à la contemplation. Mais en même temps, on voit bien que tous ces termes ne sont pas purement et simplement identifiés, puisque le plaisant et le sérieux sont dits non pas des contemplations, mais sont dits exister, je cite, « en vue de la contemplation », Theorias Eneken. Pertanto Plotino va più lontano rispetto a Platone, allorché dichiara, citazione, diciamo che non ci sarà nessun pericolo a giocare con le nostre proprie idee. E dunque anche noi, divertendoci in questo momento, contempliamo, diciamo, o che noi e tutti coloro che si divertono fanno questo, o si divertono tendendo almeno a questo. E si può anche dire che sia un fanciullo, sia un uomo, che si diverta o che sia serio, colui che si diverte e colui che è serio lo facciano in vista della contemplazione. In questo passo sembrerebbe a prima vista che si possa ancora essere ricondotti colui che si diverte come colui che è serio alla contemplazione. Tuttavia, allo stesso tempo, si vede bene che tutti questi termini non sono puramente e semplicemente identificati, poiché il divertente e il serio non sono detti della contemplazione, ma esistere in vista della contemplazione. On doit se poser la même question relativement au lien entre contemplation et production. Est-ce qu'on peut dire que, je cite Brier, la contemplation est en même temps production? Certains passages de Plotin semblent le soutenir, mais quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Je prends un exemple au chapitre 3. Parlant de la nature, Plotin dit « Par conséquent, être pour elle ce qu'elle est, la nature, cela consiste à produire, et la mesure de son être est pour elle son produire. » Or, la nature est contemplation et réalité contemplative, car elle est une raison. Par conséquent, par le fait qu'elle est contemplation, réalité contemplative et raison, par cela aussi, elle produit, dans la mesure où elle est ces choses. Sa production, en conséquence, s'est révélée à nous consister en une contemplation. Dans ce passage, Plotin vient très près d'une identification totale entre contemplation et production. Pourtant, dès la phrase suivante, on voit que la production est en fait le résultat ou le parachèvement de la contemplation. Je cite, « Sa production, en conséquence, s'est révélée à nous consister en une contemplation. Elle est en effet achèvement d'une contemplation qui demeure contemplation. Apotélesma théorias, minus est théorias. » Sans exécuter autre chose, mais pourtant par le fait qu'elle est une contemplation. Ou bien un autre passage au traité 1 où il dit « Toute chose est un produit accessoire par ergon de la contemplation. » Dans ces conditions, il faut tenir compte du double aspect de la contemplation, actif et passif chez Plotin. Il y a d'un côté la théoria, de l'autre le théoréma, c'est-à-dire l'effet ou le produit, à savoir la contemplation réalisée ou cristallisée. È necessario porsi la medesima questione relativamente al legame tra contemplazione e produzione. Si può dire che la contemplazione è allo stesso tempo una produzione? Alcuni passi di Plotino sembrano sostenerlo, ma ancora una volta, se li si guarda più da vicino, ci si rende conto che non è il caso. Prendo come esempio il capitolo 3, sempre del medesimo trattato. Parlando della natura, Plotino dice, di conseguenza, essere per la natura, ciò che essa è, consiste a produrre, e la misura del suo essere è per essa il suo produrre. Ora, la natura in contemplazione è in realtà contemplativa, poiché essa è un logos, una ragione. Di conseguenza, del fatto che essa è contemplazione, realtà contemplativa e ragione, per questo appunto anche essa produce, nella misura in cui essa è queste cose. La sua produzione, di conseguenza, si è rivelata per noi consistere in una contemplazione. In questo passo Plotino ha appena posto un'identificazione totale tra contemplazione e produzione. Tuttavia, a partire dalla frase seguente, si vede che la produzione è di fatto il risultato della contemplazione. Cito, la sua produzione, di conseguenza, si è rivelata a noi consistere in una contemplazione. Essa è, infatti, punto di arrivo di una contemplazione che che permane in contemplazione senza eseguire altro, ma producendo per il fatto stesso che essa è una contemplazione. O altra citazione, dice Plotino, ogni cosa è un prodotto accessorio della contemplazione. È necessario, a partire da qui, tenere conto del doppio aspetto della contemplazione, attivo e passivo. Abbiamo da una parte la teoria, dall'altra parte il teorema, cioè la teoria e l'effetto, no, la teoria è la teoria, la contemplazione, il teorema invece è l'effetto o il prodotto, cioè la contemplazione realizzata o cristallizzata. Au chapitre 4, il y a la fameuse prosopopée de la nature, où la nature parle elle-même. Et elle dit ceci, ce qui est engendré est le résultat de ma vision à moi en tant que nature, de mon silence, à savoir une réalité contemplative, théorema, advenue par nature, et qu'à moi qui suis venu à l'existence d'une telle contemplation, il appartient aussi de posséder une nature qui aime à contempler. Et que ce qui de moi contemple produit une contemplation réalisée, théorema, comme les géomètres qui, en contemplant, dessinent. Fin de citation. On constate ici que théorema se situe par rapport à la contemplation active comme le dessin par rapport au géomètre, c'est-à-dire dans un rapport d'opposition entre processus actif et produit achevé. De plus, dans tout le traité, on voit qu'il y a différentes intensités de contemplation, certaines plus claires, d'autres plus obscures. Par exemple, Plotin dit « Les uns contemplent de manière véritable, les autres en recevant une imitation et une image de cela. » Ou bien il dit « Parce qu'une contemplation qui est faible produit une réalité contemplative faible. » Ou bien il dit « En conséquence, partout nous découvrirons que la production et l'action sont ou bien un affaiblissement de la contemplation, ou bien un accompagnement. » Ou bien il dit « Les contemplations peuvent devenir toujours de plus en plus appropriées et plus unies. » Donc il y a une hiérarchie des contemplations. Nel capitolo 4, la famosa prosopopea della natura, nella quale appunto la natura parla, dice, citazione, ciò che è generato è il risultato della mia visione, del mio silenzio, cioè una realtà contemplativa avvenuta per natura e a me che sono venuto all'esistenza da una tale contemplazione, appartiene in questo modo di possedere una natura che ama contemplare e che ciò che di me contempla produce una contemplazione realizzata, teorema, come i geometri che contemplando disegnano. Fine della citazione. Si constata qui che teorema si situa in rapporto alla contemplazione attiva come il disegno in rapporto al geometra, cioè in un rapporto di opposizione tra un processo attivo e un processo concluso. Inoltre, in tutto il trattato si vede che ci sono diverse intensità di contemplazione, alcune più chiare, altre più scure. Esempio, cito, gli uni contemplando in modo vero, gli altri ricevendo un'imitazione e un'immagine di questo. In citazione, altra citazione, poiché una contemplazione che è debole produce in realtà una realtà contemplativa a sua volta debole. O ancora, di conseguenza, ovunque noi scopriremo che la produzione e l'azione sono o un indebolimento della contemplazione oppure un accompagnamento di essa. Quindi ci troviamo di fronte a una gerarchia ben precisa. Bref, La contemplation active est une puissance multiple et multipliante. En reprenant les termes de Bergson, on pourrait parler, par opposition à une multiplicité discrète, on pourrait parler d'une multiplicité continue, qui est, je cite Deleuze, une multiplicité interne de succession, de fusion, d'organisation, d'hétérogénéité, de discrimination qualitative ou de différence de nature, une multiplicité virtuelle et continue, une sorte de multiplicité qualitative et virtuelle, irréductible au nombre. Fin de citation. En d'autres termes, il s'agit d'une actualisation qui se fait par différenciation, par ligne divergente et qui crée par son mouvement propre autant de différences de nature. Bref, une multiplicité de déploiements. In breve, la contemplazione attiva è una potenza multipla e che moltiplica. Riprendendo i termini di Bergson, potremmo parlare, per opposizione a una molteplicità discreta, di una molteplicità continua, che è, viene citato a questo proposito Deleuze, una molteplicità interna di successione, di fusione, di organizzazione, di eterogeneità, di discriminazione qualitativa o di differenza di natura, una molteplicità virtuale continua, una sorta di molteplicità qualitativa e virtuale, irriducibile al numero. In altri termini, fine della citazione, in altri termini, si tratta di una attualizzazione che si fa attraverso la differenziazione e per linee divergenti, e che crea attraverso un movimento proprio molte altrettante differenze di natura. In breve, una molteplicità di dispiegamenti. Dans ce système éminemment dynamique, les théorémata apparaissent comme les réalisations successives d'un flux contemplatif dont elles dérivent, mais auxquelles elles contribuent elles-mêmes comme des relais, contemplation étant contemplation réalisée d'un côté, contemplation active de l'autre. Mais à l'intérieur de ce dynamisme unitaire, le dualisme est en fait maintenu. Ce qu'Aristote appelle une action ou une production, par opposition à la contemplation intellectuelle, Plotin l'appelle une réalité contemplative faible, une contemplation qui est faible produit une réalité faible. In questo sistema eminentemente dinamico, i teoremata appaiono come le realizzazioni successive di un flusso contemplativo dal quale esse provengono, ma al quale esse stesse contribuiscono. Contemplazioni realizzate da una parte, contemplazioni attive dall'altra. Tuttavia, all'interno di questo dinamismo unitario, il dualismo è di fatto mantenuto. Il punto è questo, ciò che Aristotele chiama azione, praxis o produzione, poiesis, in opposizione alla contemplazione intellettuale, Plotino invece lo chiama una realtà contemplativa debole. Una contemplazione che è debole produce una realtà contemplativa debole. Alors je passe à une autre section, jeu plotinien, jeu bergsonien. La dynamique intrinsèque du jeu déployé par Plotin ne pouvait que séduire un penseur comme Bergson, si sensible au modèle de l'évolution continue et de la dynamique des choses, si critique aussi du statisme qu'il retrouve dans toute la philosophie grecque et même dans toute la philosophie postérieure à la philosophie grecque. Mais le jeu bergsonien recèle une toute autre dimension que le jeu plotinien. Il est jeu s'auto-affectant lui-même au fur et à mesure qu'il joue. Le jeu n'est pas joué d'avance ou prédonné, il est un jeu ouvert, se créant originalement et librement lui-même, à chaque moment d'un parcours au tracé désormais équivoque ou incertain. On le voit dans la description qui suit, la description de Bergson, tirée de l'évolution créatrice, je cite, « Quand l'enfant s'amuse à reconstituer une image en assemblant les pièces d'un jeu de patience, il y réussit de plus en plus vite à mesure qu'il s'exerce davantage. » La reconstitution était d'ailleurs instantanée. L'enfant la trouvait toute faite quand il ouvrait la boîte au sortir du magasin. L'opération n'exige donc pas un temps déterminé et même, théoriquement, à la rigueur, elle n'exige aucun temps. C'est que le résultat en est donné. Mais pour l'artiste qui crée une image en la tirant du fond de son âme, le temps n'est plus un accessoire. Ce n'est pas un intervalle qu'on puisse allonger ou raccourcir sans en modifier le contenu. La durée de son travail fait partie intégrante de son travail, ce qui est vrai d'ailleurs. Le temps d'invention ne fait qu'un ici avec l'invention même. C'est le progrès d'une pensée qui change au fur et à mesure qu'elle prend corps. Enfin, c'est un processus vital, quelque chose comme la maturation d'une idée. Passa adesso a una seconda sezione relativa al gioco plotiniano e al gioco plotiniano. La dinamica intrinseca del gioco sviluppata da Plotino non poteva non sedurre un pensatore come Bergson, così sensibile al modello dell'evoluzione continua e della dinamica delle cose e così critico anche del staticismo che ritrova in tutta la filosofia greca e anche in quella posteriore. Tuttavia il gioco bersoniano assume un'altra dimensione rispetto a quello plotiniano. È gioco per Bergson, è gioco che si affetta lui stesso via via che gioca. Il gioco non è giocato prima o predato, è un gioco aperto che si crea originalmente e liberamente esso stesso a ciascun momento di un percorso tracciato ormai equivoco e incerto. Lo si vede tutto ciò nella descrizione che segue e che è una citazione dell'evoluzione creativa. Quando il fanciullo si diverte a ricostruire un'immagine assemblando i pezzi di un gioco di pazienza, egli riesce via via sempre più svelto e via via appunto che si esercita questo. La ricostituzione d'altra parte era istantanea, il fanciullo la trovava già fatta quando apriva la scatola del gioco uscendo dal negozio. L'operazione non esige dunque un tempo determinato e anche teoricamente essa non esige alcun tempo. E il risultato, e ciò avviene perché il risultato è già dato. Tuttavia per l'artista che crea un'immagine tirandola dal fondo della sua anima, il tempo non è più un accessorio e non è più un intervallo che si possa allungare o raccorciare senza modificarne il contenuto. La durata di un lavoro fa parte integrante del suo lavoro. Il tempo di invenzione non è qua. È qua che in tutt'uno con l'invenzione stessa. È il progresso di un pensiero che cambia, via via che prende corpo. Infine è un processo vitale, qualche cosa come la maturazione di un'idea. Quelque chose qui se fait au fur et à mesure qu'il se déploie, et qui donc, par définition, ne connaît pas d'avance son télos, est un phénomène sans précédent dans la philosophie grecque et peut-être dans toute l'histoire de la philosophie avant Bergson. Les spécialistes pourront me confirmer cela. Pour Bergson, le temps est invention ou il n'est rien du tout. Je voudrais aller tout de suite au cœur d'une objection possible à Bergson sur ce point. S'il faut opposer à la notion traditionnelle du temps comme image de la réalité et chute par rapport à une éternité déjà donnée, s'il faut opposer à cela un temps invention, la véritable durée, je me demande comment ce processus entièrement ouvert peut être compatible avec quelques pensées théologico-métaphysiques que ce soit. Dunque, qualcosa che si fa via via che si svolge e che dunque, per definizione, non conosce in anticipo il suo fine. È un fenomeno senza questo, è un fenomeno senza precedenti nella filosofia greca e può essere addirittura in tutta la storia della filosofia prima di Bergson. Gli specialisti potranno forse confermarmi questo. Per Bergson, citazione, il tempo è invenzione oppure non è nulla. Finita citazione. Vorrei andare immediatamente al cuore di una possibile obiezione a Bergson su questo punto. Se bisogna opporre alla nozione tradizionale di tempo come immagine di realtà e di caduta nel rapporto a un'eternità già data, quindi opporre a questa nozione quella di un tempo invenzione, la verità, la vera durata, mi domando come questo processo completamente aperto possa essere compatibile con qualche pensiero di tipo teologico, metafisico, qualunque esso sia. Je cite Bergson, si partout c'est la même espèce d'action qui s'accomplit, j'exprime cette similitude probable quand je parle d'un centre d'où les mondes jailliraient comme les fusées d'un immense bouquet. Phrase célèbre. Pourvu toutefois que je ne donne pas ce centre comme une chose, dit-il, causa, mais pour une continuité de jaillissement. Dieu ainsi défini n'a rien de tout fait, il est vie incessante, action, liberté. Fin de citation. Il y a un point de contact étroit ici entre ce que dit Bergson avec l'un plotinien, dans la mesure où ce dernier, l'un plotinien, n'est pas non plus quelque chose, c'est aussi une continuité de jaillissement, on pourrait dire, et ce n'est pas une réalité définie ou circonscrite, mais c'est un pur jaillissement. L'un, nous dit Plotin, est avant le quelque chose. Toutefois, le pur jaillissement plotinien n'est pas quelque chose qui se crée lui-même au fur et à mesure qu'il jaillit. Il est un jaillissement au plan bien arrêté, déjà fixé. Il serait sans conteste du statique dans le langage de Bergson. Tuttavia, se è lo spazio stesso di azione che si compie, io esprimo questa similitudine probabile quando parlo di un centro dal quale i mondi zampillano come i fusi di un immenso fuoco d'artificio. Tuttavia questo centro non è una cosa, ma una continuità di zampillamento. Dio, così definito, non ha niente di tutto fatto, necessario, incessante, azione, libertà. C'è qui un punto di contatto stretto con l'uno plotiniano nella misura in cui quest'ultimo non è come il rapporto a questo qualcosa e a questo centro bersoniano, dunque neppure l'uno plotiniano è un qualcosa, una realtà definita o circoscritta, ma un puro zampillamento. L'uno è prima di qualche cosa. Tuttavia il puro zampillamento plotiniano non è qualcosa che si crea esso stesso via via che zampilla, è un zampillamento nel piano ben fermo, già fisso, sarebbe senza contesto, contestazione, qualcosa di statico nel linguaggio di Bergson. De son côté, parlant, Bergson parlant de l'effort créateur que manifeste la vie, Bergson écrit « Cet effort est de Dieu si ce n'est pas Dieu lui-même. » De deux choses l'une, ou bien cet effort créateur est Dieu lui-même, et le Dieu en question n'est jamais adéquat à lui-même, il se transforme au fur et à mesure qu'il crée et qu'il se crée, et il est alors indétermination pure, ce qui confinerait au niveau zéro de la théologie, une conséquence que souhaite éviter Bergson, je crois, ou bien cet effort est de Dieu au sens qu'il est en provenance de Dieu, ce dernier demeurant cependant distinct de ce courant vital, et on reproduit alors l'opposition du statique et du dynamique que l'on entendait dépasser. La note explicative de ce passage fournie dans l'édition critique du texte n'apporte pas, me semble-t-il, de solution systématique ou définitive à cette difficulté, et Bergson lui-même se contente de signaler que le mystique ne se pose pas ce genre de questions. Mais si le divin, dans sa manance inentamée, continue d'orchestrer à distance l'élan vital ou les élans vitaux inscrits dans la durée, je ne vois pas en quoi Bergson a redonné aux dynamiques la plénitude d'être annoncée par lui. Da parte sua, Bergson, dicendo che lo sforzo creatore che manifesta la vita, scrive, questo sforzo è di Dio, se non è Dio stesso. Fine della citazione. Delle due l'una. O questo sforzo creatore è Dio stesso e il Dio in questione non è mai adeguato a se stesso, si trasforma via via che crea e si crea, e è allora in determinazione pura, ciò che configurerebbe un livello zero della teologia, una conseguenza che Bergson desidera evitare, oppure, altra alternativa delle due l'una, questo sforzo è di Dio nel senso che proviene da Dio quest'ultimo, permanendo, cioè nonostante distinto, dalla corrente vitale e producendo allora l'opposizione dello statico al dinamico che si intendeva sorpassare. La nota esplicativa fornita nell'edizione critica del testo lo rapporta, mi sembra, delle soluzioni sistematiche a questa difficoltà, e Bergson stesso si contenta di segnalare che il mistico non si pone questo genere di domande. Se il divino, nella sua permanenza, continua a orchestrare a distanza lo slancio vitale o gli slanci vitali iscritti nella durata, io non riesco a vedere in che cosa Bergson ha ridato al dinamico la pienezza di essere annunciato da esso. Je coupe quelques endroits pour pas aller trop vite. Métaphysiquement parlant, pour conclure cette section, je dirais que Bergson a entrouvert une porte et qu'il l'a refermée, non pas certes tout de suite, mais à un certain moment. Je crois que Bergson entrouvre une porte qu'il referme à un certain moment, et je crois qu'il faut lui être reconnaissant de l'ouverture, même provisoire, même partielle, qu'il a ainsi opérée. Mais je voudrais passer maintenant à une autre problématique et parler du principe de l'ouvert, de l'ouverture. Sur le plan métaphysique, je ne suis pas sûr que le renversement platonicien de Bergson ait complètement abouti. Il eût fallu pour cela que la critique débouchât sur une nouvelle forme de matérialisme dynamique sans téléologie assignable, une sorte de Big Bang version épicurienne, c'est-à-dire à l'économie indéterminée. Mais la notion de l'ouvert, élaborée et défendue par Bergson, sur le plan, cette fois politique et social, je dirais même sur le plan civilisationnel, me paraît extrêmement important et porteur, et je voudrais dire quelques mots à ce sujet, même si cela nous fait déborder du cadre plotinien initial. Allora potremmo dire che Bergson ha aperto uno spiraglio per chiuderlo subito, non certo immediatamente, ma a un certo momento. E bisogna essere riconoscente di questo spiraglio, anche se provvisoriamente, ma che comunque ha creato. A questo punto passiamo al principio dell'aperto. Sul piano metafisico non sono sicura che il rovesciamento platonico di Bergson sia giunto al suo fine. Sarebbe stato necessario per questo che la critica raggiungesse una nuova forma di materialismo dinamico senza una teologia ad essa assegnabile, una sorta di Big Bang di versione epicurea, cioè a economia indeterminata. Tuttavia la nozione dell'aperto elaborata e difesa da Bergson sul piano questa volta politico e sociale, anzi forse meglio su un piano di civilizzazione, mi sembra estremamente importante, e vorrei dire qualche cosa a questo proposito, anche se questo mi fa sforare dal quadro plotiniano iniziale. On sait que le plan de l'ouverture, a connu une extrapolation très importante, notamment dans le rapport à l'Antiquité, dans l'œuvre de Karl Popper. Ce dernier, indiquant lui-même s'être inspiré de Bergson, même si son principe de l'ouvert, celui de Popper, qui tient à l'attitude rationaliste et critique, qui tient à l'opposition entre le tribalisme et l'humanisme, n'est pas l'ouvert de Bergson, qui dérive du dynamisme intuitionniste mystique. Il reste que la question de l'ouvert, de l'ouverture, joue un rôle primordial chez les deux auteurs. Si sa, che il piano dell'aperto ha conosciuto un'estrapolazione molto importante, particolarmente nel rapporto con l'antichità, nell'opera di Karl Popper. E quest'ultimo indica appunto lui stesso di essersi ispirato a Bergson, anche se il suo principio dell'aperto, che si pone più che altro sull'attitudine razionalista e critica, è all'opposto rispetto al tribalismo o umanesimo, e che non è stato aperto da Bergson, ma che deriva dal dinamismo intuizionistico mistico. Resta che la questione dell'aperto gioca un ruolo primordiale nei due autori. Pour Bergson, en effet, le clos et l'ouvert renvoient à deux attitudes religieuses. C'est ainsi qu'il cite le sermon sur la montagne. On vous a dit que, et moi je vous dis que. D'un côté le clos, de l'autre l'ouvert, nous dit Bergson. Le clos et l'ouvert sont d'ailleurs ce qui oppose pour Bergson la morale antique et le christianisme. La philosophie pour Bergson peut certes représenter une sorte d'ouvert, il donne exemple du stoïcisme, mais il y manque, selon Bergson, l'embrasement, le feu. Je cite, mais il y a loin de là à l'enthousiasme qui se propage d'âme en âme, indéfiniment comme un incendie. Per Bersù, infatti, il chiuso e l'aperto rinviano a due attitudini religiose. È così che egli cita il sermone sulla montagna. Vi abbiamo detto che e io vi dico che. Dunque, da una parte il chiuso, dall'altra l'aperto. Chiuso e aperto sono, d'altra parte, ciò che oppone per Bersone la morale antica e il cristianesimo. La filosofia per Bersone può certo rappresentare una sorta di aperto, e a questo punto del testo egli porta come esempio lo stoicismo, di cui le valori morali sono prossimi a quelli del cristianesimo. Ma manca uno smembramento, e cito: lontano da tutto ciò, e al di là dell'entusiasmo che si propaga da anima in anima, indefinitivamente, come un incendio. Bergson remarque d'ailleurs, je le cite, pendant un temps, le monde put se demander s'il allait devenir chrétien ou néo-catholicien. C'était Socrate qui tenait tête à Jésus. Même genre de constat plus loin, où il dit, il ne nous paraît pas douteux que ce second progrès, il parle du christianisme, le passage du clos à l'ouvert, soit dû au christianisme, aurait-il pu s'accomplir par la philosophie pure? Rien n'est plus instructif que de voir, nous dit Bergson, comment les philosophes l'ont frôlé, touché et pourtant manqué. Fin de citation. Donc, la réponse de Bergson est que non, l'ouvert ne se serait pas produit sur une base simplement grecque. Sa réponse, c'est non. Donc, la réponse de Bergson est non. Bergson donnant, pour exemple, deux idées, deux choses. L'idée d'égalité des hommes, entre les hommes, et le refus de l'esclavage. Je vais très vite pour dire que le refus de l'esclavage, il est déjà grec, chez le sophiste Alcidamas, notamment, et dans la tradition sophistique, et aussi le terme d'égalité des hommes. Je saute des pages. Bergson, d'altra parte, osserva. Durante un tempo, il mondo ha potuto domandarsi se sarebbe divenuto cristiano o neoplatonico. E era Socrate che teneva testa a Gesù. Lo stesso genere di constatazione, un po' più lontano, allorché dice, cito, non ci sembra assolutamente, non poniamo minimamente in dubbio che questo secondo progresso, il passaggio dunque dal chiuso all'aperto, sia dovuto al cristianesimo. Avrebbe potuto compierlo la filosofia pura? Niente è più istruttivo se non il vedere come i filosofi l'hanno toccato e ciò nonostante mancato. Dunque la risposta di Bergson è no. Quindi a questo punto il professore osserva che comunque il rifiuto della schiavitù è già greco questo rifiuto. Il y a donc un ouvert dont Bergson ne parle pas ou dont il ne parle pas assez. Un ouvert grec préalable à celui qu'il décrit. Je pourrais, pour en donner un exemple, citer Husserl. Dans son fameux essai « La crise de l'humanité européenne et la philosophie », Husserl insistait, lui aussi avec force, sur le rôle principiel de la Grèce dans l'essor de la pensée européenne. Je cite Husserl dans ce texte magnifique. « L'Europe a un lieu de naissance, un lieu spirituel de naissance, dans une nation où le cœur de quelques hommes isolés ou de quelques groupes d'hommes appartenant à cette nation. Cette nation est la Grèce antique. C'est chez elle qu'est apparue une attitude d'un nouveau genre à l'égard du monde environnant il en est résulté l'irruption d'un type absolument nouveau de création spirituelle, nous dit Husserl. Je poursuis. Pour Husserl, l'irruption de la philosophie grecque constitue, je le cite, le phénomène originel, our phénomène, qui caractérise l'Europe au point de vue spirituel. Car, dit-il, c'est là qu'est né l'intérêt pur pour le connaître. Mais Husserl va encore plus loin que cela, allant jusqu'à parler de la création en Grèce d'une nouvelle humanité, l'humanité, dit-il, au but infini, là où se manifeste un intérêt pur pour le connaître et par anticipation, un intérêt purement théorique. C'è dunque un aperto di cui Bergson non parla abbastanza, un aperto greco precedente a quello che egli descrive. Potrei, per dare un esempio, citare Husserl. Nel suo famoso saggio La crisi dell'umanità europea e la filosofia, Husserl insisteva anche lui con forza sul ruolo principale della Grecia per il pensiero europeo. Cito: l'Europa ha avuto un luogo di nascita, un luogo spirituale di nascita in una nazione nel cuore della quale uomini isolati o gruppi di uomini appartenenti a una certa nazione. Questa nazione è la Grecia antica, e in essa che è apparsa una attitudine di genere nuovo nei confronti del mondo che circondava. Ne è risultata l'irruzione di un tipo assolutamente nuovo di creazioni spirituali. Per Husserl l'irruzione della filosofia costituisce il fenomeno originale, l'Urphänomen, che caratterizza l'Europa dal punto di vista spirituale, poiché è là, dice Husserl, che è nato l'interesse puro per il conoscere. Ma Husserl va ancora più lontano quando arriva a dire della creazione greca di una nuova umanità, umanità dai fini infiniti, là dove si manifesta un interesse puro per il conoscere e anticipando un interesse puramente e per anticipazione un interesse puramente teoretico. L'ouvert dont parle Husserl s'assimile à celui de Karl Popper, qui aperçoit dans la celui que Popper voit dans la tradition grecque. C'est l'ouvert de la démocratie par opposition à l'autoritarisme platonicien, c'est l'ouvert de l'attitude critique, c'est l'ouvert de la science, etc. Popper écrit: j'appelle société close la société magique ou tribale, et j'appelle société ouverte celle où les individus sont confrontés à des décisions personnelles. Le passage de la société close à la société ouverte est une des plus grandes révolutions que l'humanité ait connues. Le caractère biologique de la première, la société close, suffit à montrer l'importance du chemin parcouru. Et c'est pourquoi, quand on rappelle que la civilisation occidentale est née en Grèce, on veut dire que la Grèce est à l'origine d'une révolution fondamentale qui, selon toute vraisemblance, est encore à ses débuts. Fin de citation. Et on voit que Popper parle exactement le même langage que Husserl. L'aperto di cui parla Husserl si assimile a quello di Popper e a quello che Popper percepiva nella tradizione greca. È l'aperto della democrazia in opposizione all'autoritarismo platonico, è l'aperto dell'attitudine critica, è l'aperto della scienza, eccetera. Popper scrive: chiama società chiusa la società magica o tribale e società aperta quella in cui gli individui sono confrontati a delle decisioni personali. Il passaggio dalla società chiusa alla società aperta è uno dei più delle più grandi rivoluzioni che l'umanità abbia conosciuto. Il carattere biologico della prima è sufficiente a mostrare l'importanza del cammino percorso, ed è per questo, quando si richiama che la civilizzazione occidentale è nata in Grecia, si vuole dire che la Grecia è all'origine di una rivoluzione fondamentale che, del tutto verosimilmente, è là ancora al suo inizio. Je terminerai par trois remarques. Premièrement, la question soulevée par Bergson. L'ouvert aurait-il pu s'accomplir par la philosophie pure? Personnellement, je pense que oui. Et je pense que l'ouvert grec a pavé la voie du futur, ce qui n'exclut pas d'autres éléments émancipateurs, ce qui n'exclut pas d'autres ouvertures par-dessus l'ouverture. Premièrement. Deuxièmement, Karl Popper, pour sa part, semble juger antinomique l'ouvert mystique et l'ouvert rationnel que lui défend. Il me semble que la voie mystique peut avoir sa place, peut nous désenclaver à sa façon du statique et du dogmatique. De ce point de vue, il me semble qu'on peut repérer une convergence entre Bergson et Popper, même si Popper pense le contraire. Troisièmement, l'ouvert bergsonien a donné lieu à une lecture politique de bon aloi, allant dans le sens de l'ouverture et du développement de la pluralité. Je pense par exemple aux travaux de Souleymane Bachir Diagne, « Comment philosopher en islam », qui s'inspire de l'élan vital de Bergson, et donc il me semble qu'il y a un intérêt politique, social et culturel à l'inspiration de Bergson. Terminerò attraverso tre osservazioni. Innanzitutto la questione sollevata da Bergson. L'aperto avrebbe potuto essere compiuto alla filosofia pura? Personalmente io credo che sì, e questo è l'aperto greco ha in qualche modo pavimentato la via del futuro, ciò che non esclude altri elementi emancipatori. In secondo luogo, Popper, da parte sua, sembra considerare antinomico l'aperto mistico e l'aperto razionale che egli privilegia. Mi sembra che la via mistica può in qualche modo tirarci fuori a modo suo dallo statico e dal dogmatico. Da questo punto di vista mi sembra che si possa reperire una convergenza tra Bergson e Popper. Terzo punto, l'aperto bergsoniano ha dato luogo a una lettura politica di buon allure che va nel senso della apertura e dello sviluppo della pluralità. Penso ad esempio ai lavori di Souleymane Bachir Diagne, come filosofare in Islam, che si ispira appunto al slancio vitale di Bergson. Grazie. Merci. Merci. Beh, ringraziamo il Jean-Marc Narbon per questa ricca relazione in cui si passa dal gioco al politico e si apre il dibattito. Prego. In italiano poi traduco. Perfetto, grazie. La questione in italiano e poi si dice così. Vedo le di merci su vous avez dit il n'y a pas de compatibilité possible entre la pensée de Bergson et l'idéologie, quelle qu'elle soit, non? Il y a une différence, non, constitutif entre la possibilité de théologie et la métaphysique de la du pré-créateur de Bergson. vous avez cité cette phrase de Bergson qui est très importante sur Dieu, hein, qui est l'élance de Dieu si ce n'est pas même Dieu lui-même. Hein. Et à mon avis, et ça c'est ma question, ça marche si nous pensons le Dieu substance, si nous pensons une théologie de Dieu comme substance, ou Zia. Mais il y a aussi une autre possibilité, il y a aussi une théologie où Dieu crée, se crée et crée soi-même en créant quelque chose. Et Dieu, c'est autocréation, autopoiesis. Ou Dieu, c'est l'acte même de son production en tant que Dieu. Et c'est la théologie, par exemple, je peux citer deux grands philosophes, le premier au passé, Jean Scott et Origène, les Périphysiens, et son idée de Dieu comme autocréation, en philosophie italienne, dirait comme autoctisme, autoproduction. Et dans les siècles, Whitehead, Process of Reality, son idée de Dieu comme autocréation, c'est un Dieu qui est, là on parle d'un élan qui est de Dieu, mais c'est Dieu lui-même. Alors vous dites, alors si nous prenons cette voie, le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui coïncide avec l'indétermination. Et à mon avis, ça fait beaucoup de problèmes, parce qu'à mon avis, cette route, cette voie, c'est la voie de Bergson, ce n'est pas la voie de l'indétermination, mais on pose un Dieu qui est en soi-même la détermination, l'acte de la détermination. Ce Dieu qui coïncide avec la création en tant que détermination d'indéterminable. Alors, à mon avis, c'est possible la coïncidence entre la métaphysique de la durée créatrice, l'ouvert de Bergson, et une théologie qui n'est pas une théologie de l'indétermination, mais de la déterminabilité en tant que principe. L'italien. Ah, si. Cioè, io pensavo che. Anche si commence par l'inverse. Dicevo questo brevissimamente. Nella tesi, nella bellissima relazione di Jean-Marc Narbonne, si dice che c'è un'incompatibilità di principio tra teologia e pensiero della durata creatrice. E a mio parere c'è invece la possibilità di conciliare durata creatrice e un pensiero teologico, posto che questa teologia non sia una teologia della sostanza, non sia una teologia dell'essere inteso tradizionalmente, ma sia appunto una teologia che parte dal presupposto, che parla di un Dio che coincide con l'atto stesso del suo autocrearsi, cioè un Dio che si crea creando qualche cosa. E questa ipotesi non è un'ipotesi fantasiosa, è un'ipotesi che ha una sua pedigree nella storia del pensiero, e ho indicato due punti molto distanti nel tempo, no? Giovanni Scott Ryugena, nono secolo, quindi siamo nella, e Whitehead contemporaneo, insomma, che entrambi sviluppano questa idea. Secondo Messie Narbonne, questo significherebbe affermare il principio dell'indeterminazione. Secondo invece una prospettiva, a mio parere, che si potrebbe trarre da questa strada, vuol dire affermare invece il principio della determinabilità del determinato, perché qui Dio coincide con l'atto stesso della determinazione. Di una determinazione. E quindi in questa chiave l'aperto di cui giustamente Manuel Bonn faceva vedere come potesse sconfinare sul piano di un cattivo infinito, no? Di un'indeterminazione pura, l'aperto diventa il principio della determinazione stessa. Non lo so. Je ne sais pas. Peut-être. C'est une immense question que je n'ai guère les moyens de résoudre. Je me demande si dans les formulations auxquelles vous vous référez, s'il n'y a pas une pseudo-processualité avancée mais qui est une mascarade, parce que dans les faits, il y aurait un Dieu qui est la loi de ce mouvement, vous comprenez, qui est la loi de ce processus, dans lequel cas on retombe dans une sorte de préfiguration grecque, si on veut. Donc je crois qu'il y a une sorte quand même d'équivocité qui est maintenue dans cette conception du processus pur comme processus d'un Dieu qui se connaîtrait même pas lui-même au fur et à mesure qu'il se produit. Alors là, je vois pas. Mais en fait, j'en sais rien. Ah non, le sens. Ah non, lo so, più che altro mi chiedo se il riferimento a questo processo che è stato fatto non sia in realtà uno pseudo processo e che di fatto sia una specie di mascherata, in quanto poi il Dio che si produce conoscendo già seguendo già in qualche modo le regole di una produzione, quindi comunque una grossa questione che rimane aperta. Beh, allora ringraziamo il professor Narbon e tutti voi, e facciamo una pausa di 15 minuti, dopodiché ci ritroveremo qua.